Nous sommes le dimanche 1er novembre, c'est l'épisode 16 du podcast CapVG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines, je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables-d'Olonne. Journée très très calme à Port-Olona aujourd'hui, 3e jour de confinement, ajouté à ça une météo plutôt maussade. Un dimanche, jour férié, autant vous dire que le village était particulièrement désert, on entendait seulement les drisses heurter les mâts. Ça risque d'être très calme jusqu'en milieu de semaine et donc justement pendant cette période de creux, je vous disais hier que j'allais en profiter pour vous faire découvrir d'autres personnages qui font ce Vendée Globe, qui vivent dans cette même bulle pendant 3 semaines. Aujourd'hui, je vous présenterai le rôle de l'attaché de presse et puis juste après, un bonus, vous entendrez un champion du monde 98, oui, du foot dans un podcast voile, parce que ce footeux en question a rencontré Nicolas Troussel il y a quelques jours. Si vous avez entendu dans ce podcast depuis 16 jours Kevin Escoffier parler du contexte sanitaire... C'est compliqué pour qui ? C'est compliqué pour les gens qui vont rester à terre. C'est compliqué pour notre famille, pour nos amis, pour les gens qui veulent venir nous accompagner sur les pontons. De son profil de skipper ingénieur... Cette formation technique m'a permis de prendre en main un bateau plus rapidement. Ou de cuisine... Je cuisine pas beaucoup, à part les produits de la mer et les galettes. Alors c'est déjà grâce à Kevin, qui fait partie des marins les plus accessibles et les plus sympas de la flotte, de ceux qu'on appelle les bons clients, mais c'est aussi... Grâce à Pauline Bellalin, son attachée de presse, c'est elle qui coordonne toutes les relations médias du skipper PRB, qu'il met dans la lumière, mais forcément, ce métier reste généralement dans l'ombre. Mais comme ce podcast sert aussi à vous faire rentrer dans les coulisses, c'est bien Pauline, et non Kevin, qui sera la principale protagoniste de cet épisode. Est-ce que c'est la première fois que tu réponds à une interview ? Oui, c'est exact. Alors, le rôle de l'attaché de presse se décline en plusieurs points. Ça, c'est valable dans le milieu de la voile comme dans n'importe quel autre sport ou dans n'importe quel autre domaine. Déjà, l'attaché de presse est en contact avec les journalistes pour gérer toutes les demandes d'interview, caler des rendez-vous, s'assurer que ces rendez-vous se déroulent comme prévu. C'est un premier aspect plutôt logistique, on va dire. Ensuite, parfois, il y a la partie réseaux sociaux. Alors, dans certains cas, sur certains projets Vendée Globe, c'est une personne ou une équipe dédiée qui s'en occupe. Mais en l'occurrence, chez PRB, c'est Pauline qui gère tous les réseaux sociaux. C'est un gros travail aussi. C'est donc elle que vous retrouvez derrière les comptes Twitter, Facebook et autres de Kevin Escoffier. Et puis, troisième aspect, là aussi purement éditorial, il faut rédiger des contenus, des communiqués de presse, des dossiers de presse qui sont destinés aux journalistes pour leur donner des idées de sujets par exemple. Les attachés de presse sont aussi force de proposition en ce sens et Pauline m'explique quel type d'angle par exemple elle peut vendre autour de son projet. Déjà il y a l'histoire du sponsor qui participe là cette année à son 8e Vendée Globe, donc c'est forcément un angle d'attaque. On est au sable, on est en Vendée, donc forcément ça correspond encore plus. Kevin aussi, on peut un peu vendre l'aspect passage équipage au solitaire. C'est quelqu'un qui a fait 3 tours du monde en équipage et qui là va participer à son premier tour du monde en solo. C'est un peu toutes ces idées-là et qu'on essaye de proposer aux médias. J'ai fait le côté skipper ingénieur aussi, moi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ouais. Kevin a cette double casquette, donc ça fonctionne parfaitement. Il est passionné par la technique, il a un regard très expert sur son bateau et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on le lance et il pourrait parler pendant des heures. Donc c'est t'as choisi un bon sujet aussi. Et donc ça, c'est en amont, pendant le village. Elle a eu une première semaine très chargée, elle aussi, avant le confinement de Kevin. Et ensuite, pendant la poupe. Et ensuite, pendant la course, ça continue. Je vais faire vivre aux gens la course de Kevin. On rédigera quotidiennement des news pour expliquer sa vie, comment ça se passe, le classement, donner ce genre d'informations, faire vivre ça sur les réseaux sociaux et aussi en interne chez PRB, puisque c'est ça aussi, ce projet-là, c'est vraiment communiquer en interne et faire vivre cette aventure qui s'annonce assez incroyable aux salariés PRB. Et puis, on va toujours pouvoir aussi caler des rendez-vous, puisqu'en fait, il faut un tour du monde en solo sur un bateau, mais il reste encore... c'est très possible de communiquer avec eux. C'est assez incroyable d'ailleurs de dire parfois qu'on communique via WhatsApp alors qu'ils sont en plein milieu de l'Atlantique. Donc c'est ce qui est génial aussi. Donc si on va aussi vendre des sujets aux médias, s'ils veulent avoir Kevin en live, tout ça, ce sera possible également de le faire. Forcément, un skipper passe beaucoup de temps avec son attaché de presse qui est toujours là, dans les parages, jamais très loin pour tous les rendez-vous. Mais Pauline sait aussi que Kevin joue le jeu des sollicitations médiatiques, donc pas besoin de l'encadrer plus que ça. Franchement, je suis pas là derrière lui. Je le briefe sur le média qu'il rencontre, un petit peu l'angle l'angle souhaité, mais moi je laisse en autonomie totale, je lui fais confiance, c'est un bon communicant, donc là-dessus, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, Kevin s'exprime super bien, voilà, j'ai pas d'inquiétude sur les propos qu'il peut tenir, donc il est juste parfois un peu trop bavard, comme moi je pense. Vous êtes fait pour vous entendre. A priori, ouais. Et jusqu'ici, on s'entend pas si mal. Donc, non, je suis ravie de partager ce projet Vendée avec lui. Et j'espère qu'on va vivre de belles choses après, une fois le départ donné. C'est le premier Vendée Globe de Kevin, mais c'est aussi le premier projet Vendée Globe que Pauline accompagne. Et comme pour les skippers ou les journalistes de voile, forcément, le Vendée Globe, c'est l'aboutissement d'un cycle de 4 ans. Mais évidemment, celui de 2020 a une saveur particulière. On avait vendu 3 semaines très intenses avec des rendez-vous médias qui s'enchaînent, une foule assez importante sur les pontons, donc là bien évidemment c'est pas comme ça que ça se passe, mais on est déjà super content que la course ait lieu, donc on sait que voilà, et on se satisfait déjà de ça. Et puis je vais dire comme Kevin, en fait faudra que je revienne dans 4 ans pour faire un Vendée en mode normal avec plein de gens sur les pontons et 3 semaines de folie. C'est la question que j'allais poser, parce que tu sais que les journalistes aiment bien terminer leurs interviews par parler de 2024. Est-ce que toi tu te projettes déjà sur 2024? Du coup oui. Bah ouais, pourquoi pas. Bon, c'est assez loin et je me dis déjà, l'important, ça va être de vivre ce premier Vendée. Et forcément, je pense que quand on goûte à un premier Vendée, il y a des chances que j'ai très envie de revenir dans 4 ans. Donc avec Kevin, pourquoi pas. Ça peut être sympa, on peut se donner le pari de revenir dans 4 ans. Et forcément, j'ai aussi posé la question à Kevin. Comment ça se passe avec Pauline? Elle nous facilite la vie énormément. C'est pas toujours facile parce que nous, t'arrives sur le bateau pour faire du média, je vois un truc technique, j'en parle de technique, je reviens, on jongle. Après, moi, j'ai un caractère facile, à l'inverse de Pauline. Donc je pense que ça lui facilite beaucoup le job. Voilà, la bonne ambiance dans le team PRB, et à ce moment-là, il était temps que mon interview de Kevin se termine parce que je voyais Pauline, justement, juste derrière, me faire des signes pour me dire que mon temps était terminé. C'était le moment d'enchaîner avec un autre rendez-vous média. De mon côté aussi, j'enchaîne les interviews sur les pontons depuis 16 jours, et pour une fois, j'ai dérogé à la règle, j'ai eu quelqu'un en visio, alors on dira que c'est une guest star dans ce podcast, quelqu'un qui n'est a priori pas lié au monde de la course large, puisque c'est un ancien footballeur, un champion du monde 98 même, Emmanuel Petit. Alors que vient faire Manu Petit ici? Eh bien tout simplement, il est venu au Sable d'Olonne le 16 octobre, avant l'ouverture du village, pour y rencontrer Nicolas Troussel. C'est dans le cadre de la websérie Tu garderas le cap, dont je vous ai déjà parlé. Cette websérie suit la préparation du skipper Corum jusqu'au Vendée Globe. Il y a 2 épisodes qui sont déjà en ligne, il y en aura 2 autres demain lundi, dont celui dans lequel apparaîtra Emmanuel Petit. Alors évidemment, je lui ai demandé à Manu si l'ancien footballeur qu'il était se retrouvait dans le sportif de haut niveau qu'est Nicolas Troussel. Faire des traversées en solitaire, il faut être un peu barré pour faire ça. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire de toi à moi, parce que j'en ai pas le cran, j'ai pas le cran pour ça. Les similitudes, elles s'arrêtent peut-être dans la préparation, on va dire. C'est surtout mental, en fait. Je vois qu'il y a peut-être des similitudes, même si, encore une fois, je ne vais pas prendre des raccourcis, parce que c'est deux univers quand même assez éloignés. Tu es souvent confronté à toi-même quand tu es marin. Les relations qu'il a avec son équipage sont basées sur une extrême confiance, parce que les moindres détails, tu peux risquer ta vie en permanence. Ce n'est pas vraiment le cas pour nous, les footeux. On a des rapports de confiance, mais qui s'arrêtent souvent à des intérêts privés. Eux, leurs intérêts sont tous ensemble. Il n'y a pas une quête financière. Il y a une quête égocentrique, certes. Il n'y a pas cette recherche permanente de la célébrité ou de la part du gain. On est complètement dans des univers complètement opposés. Justement, Manu est très admiratif de ces navigateurs et de l'exploit qu'ils espèrent réaliser autour du monde. Cette quête perpétuelle de repousser ses propres limites face à la nature qui est implacable en permanence, il faut avoir beaucoup de courage. Enfin, moi, ça m'impressionne tout ça. Ce sont des leçons de vie, et face à l'adversité, je sais que le corps humain a des capacités aussi de résilience extrêmement importantes. Mais je trouve qu'il y a certaines disciplines sportives qui sont vraiment très symboliques par rapport à ça, et les marins en font partie. Ouais. D'ailleurs, il est aussi admiratif des alpinistes. Et puis, au-delà des hommes, Manu a aussi été impressionné par les machines. Il a pu visiter Corum, un IMOCA de toute dernière génération. C'est des Formule 1, quoi. C'est impressionnant. Tout est fait pour que ça aille très très vite. Tout est précis, étudié, chaque chose est au bon endroit. Chaque détail a son importance, et que tout est millimétré, cadré. C'est un truc, c'est comme une horloge suisse, quoi. C'est un travail d'orfèvre, en fait. Et rendez-vous demain soir pour découvrir dans la web-série la rencontre entre Emmanuel Petit et Nicolas Troussel. Demain soir, on se retrouvera aussi, bien sûr, nous, pour un 17e épisode de ce podcast. On s'intéressera demain aux sponsors. Eux aussi font partie de la vie d'un team. Et ce sera d'ailleurs une journée spéciale sponsor ce lundi, puisque dans l'émission de télé, on recevra les patrons de Maître Coq, partenaire de Yannick Bestaven, et d'Artipol, partenaire d'Arnaud Boissière. À demain.